Lecture d'un texte au sujet de l'évolution côté répression des mouvements sociaux et pas que, l'évolution de la loi et de son fonctionnement. Il est paru le 8 mars 2023 sur le site Paris Lutte Info. Il est écrit par la Coordination contre la répression et les violences policières de Paris-Île-de-France et il concerne tout le monde. Avec l'avertissement pénal probatoire, la justice préfère punir que de juger les manifestants et manifestantes. Depuis le 1er janvier 2023, finit le rappel à la loi. C'est désormais l'avertissement pénal probatoire qui le remplace, une alternative aux poursuites, entre guillemets, est bien cher payée. Contre ce nouveau jouet d'une justice toujours plus expéditive, toujours plus individualisante, trouvons des moyens de résister collectivement. Et la lecture de ce texte et sa diffusion massive fait partie de la manière de résister à tout ça. Depuis le 1er janvier, donc, finit le rappel à la loi, Dupond-Moretti le considère, citation, trop faible pour être efficace. Pas bienvenue au projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, c'est comme ça que ça s'appelle, qui nous vomit son nouvel avertissement pénal probatoire, qui sera appelé donc APP. Une cartouche que le parquet utilise désormais pour sanctionner les manifestants et manifestantes en leur évitant soigneusement la case procès. Est-ce vraiment un cadeau? Ces derniers temps, les manifestants et manifestantes interpellés dans le cadre du mouvement social contre la réforme des retraites peuvent faire 24 ou 48 heures de garde à vue, se voir déférer au tribunal pour finalement échapper au procès. On pourrait s'étonner du fait que la première magistrat ou magistrate préfère envoyer les prévenus vers une voie de garage extrajudiciaire plutôt que de leur garantir un procès en bonne et due forme, avec accès au dossier, bénéficier d'un ou d'une avocate, mais aussi de soutien au tribunal et d'une possibilité de faire appel. En fait, on échappe au procès, mais pas à la punition. Faut rappeler qu'un procès signifie être jugé par un ou une juge du siège. Ce que le ou la procureure n'est pas du tout. C'est magistrat ou magistrate de parquet. Avant d'arriver au procès, le pouvoir du ou de la procureure est immense et à sens unique. C'est lui ou elle et ses services, les parquetiers et parquetières, qui dialoguent nuit et jour avec les commicos pour faire le tri entre les personnes gardé à vue aux quatre coins de la capitale et au-delà, et qui décide finalement des orientations d'un ou d'une prévenue lorsqu'elle est présentée devant la justice. L'option comparution immédiate est toujours possible, mais elle devient minoritaire dans les situations où il s'agit de légitimer les rafles effectuées en manif par des dispositifs de maintien de l'ordre complètement dépassés. Ces mesures d'alternative aux poursuites, comme nous en parlions déjà il y a 2 ans concernant les ordonnances pénales, comportent de nombreux pièges. Le 1er janvier est donc entré en vigueur le nouvel avertissement pénal probatoire, l'APP. Il remplace le fameux rappel à la loi, en vigueur depuis 1999, à quelques détails près. Seul le ou la procureure ou ses délégués peuvent prononcer un APP. Un rappel à la loi pouvait être adressé par un OPJ. La signature de l'APP est conditionnée par le fait que le ou la prévenue reconnaissent avoir commis les faits qui lui sont reprochés au moment du passage devant le ou la déléguée du PROC. Il s'agit, comme le rappel à la loi, le RAL, d'un abandon des poursuites, ou plutôt d'un sursis de 2 ans, Et c'était 5 ans avec le rappel à la loi. Si rien ne se passe d'ici 2 ans, classement confirmé. Si la personne fait à nouveau l'objet d'une arrestation, le ou la proc peut relancer des poursuites remontant au premier APP. Et l'APP ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d'un délit de violence contre les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique, entre autres les flics, ou investie d'un mandat électif public. L'avertissement pénal probatoire est tout simplement un chantage. Si tu acceptes de reconnaître avoir commis les faits qui te sont reprochés, on abandonne les poursuites. Mais même sans poursuite, le ou la procureur possède différentes armes de coercition. Les pièges de l'APP sont à peu près ceux du rappel à la loi, mais en pire. Interdiction de paraître dans certaines zones pendant un maximum de 6 mois. Pratique pour punir un ou une manifestante d'être allé protester dans la rue. Contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes. Attention, ce n'est pas une amende. Si vous payez, il n'y a plus aucun recours possible. Pas de contestation, pas d'appel. On parle de plusieurs centaines d'euros. Et il faut savoir que l'association en question, en bon escroc, vient réclamer le blé avec insistance dès le premier jour après la signature du papelard. Imposer à la personne de se dessaisir de l'objet de l'infraction au profit de l'État. Ça peut être le téléphone, si parmi les infractions il y a le refus de donner son code PIN, sans possibilité de le récupérer. Il n'est pas saisi pour être exploité puisque les poursuites sont abandonnées. C'est donc du racket plutôt mal maquillé. Il sera détruit. Il peut être demandé à la personne d'effectuer à ses frais un stage de citoyenneté dans une asso ou pire dans un commissariat. Ce sont les délégués du procureur, les DPR, qui sont chargés de notifier aux personnes cet avertissement et les mesures scélérates en option. Ces DPR, il faut s'en méfier. Ce sont d'anciens et d'anciennes flics ou magistrats et magistrates qui arrondissent leur fin de mois pour jouer au supplétif du parquet. Ils n'ont aucun pouvoir à part vous transmettre la décision du ou de la proc, mais passent leur temps à vous sermonner et à vous faire la morale, tout en vous incitant à signer, en dissimulant de façon plus ou moins sournoise, le fait que la reconnaissance de culpabilité est actée par la signature. Sans quoi, sacrebleu, oulala, ça va barder. Tout ça, c'est du bluff. Vous pouvez très bien partir sans signer le document. Mais lisez-le bien pour voir si l'APP est versée sec, sans rien d'autre, ou si vous avez en plus une interdiction ou une somme à verser. Si vous ne signez pas, le ou la DPR sera furax, mais peu importe. La coordination anti-REP et ses avocats et avocates continuent de vous conseiller de ne pas signer, ni même de respecter ces mesures complémentaires. N'ayant pas été jugé formellement, aucune restriction ne peut vous être imposée, et surtout pas une interdiction d'aller et venir. Pareil pour le harcèlement possible par l'association d'aide aux victimes. Ignorer les appels et les mails. Ce qu'on risque, que le ou la procureure réouvre les poursuites qu'il avait décidé d'abandonner. Rien d'autre. Si le ou la procureure décide de classer l'affaire sans suite avec cette APP, c'est soit que le dossier ne comportait pas suffisamment d'éléments à charge, soit que l'infraction reprochée n'était pas assez grave aux yeux du parquet pour justifier un déferrement en correctionnel en vue d'une éventuelle condamnation. Autant d'éléments qui permettent de se rassurer quant au risque réel de poursuite ultérieure en cas de non-respect de l'APP. Si le ou la proc a classé l'affaire, c'est qu'elle a déjà estimé, au vu du dossier, qu'il était inopportun de vous poursuivre. Maintenant, quand on a fait un ou 2 jours de garde à vue, plus 20 heures passées au dépôt du palais de justice, et qu'on apprend que finalement on échappe à la comparution immédiate, on peut facilement se laisser bercer par les sirènes du DPR. Continuez à garder le silence. Ne signez rien, ne cédez pas à la pression. Prenez le papier que l'on vous tend et sortez calmement. Ça a l'air naïf de le dire comme ça, mais pour être réellement blanchi par la justice, c'est-à-dire relaxé, il faut d'abord être jugé. Or, un avertissement n'est pas un jugement. Idem si on vous propose une composition ou une ordonnance pénale avec une petite amende en bout de course, comme si c'était un cadeau. C'est une manière de vous sanctionner sans jugement. Alors, autant ne pas coopérer, n'en déplaise au proc, le seul risque étant d'avoir un procès. Cela permet au moins d'avoir accès au dossier d'accusation, sans quoi on ne peut préparer sereinement sa défense. Voilà, c'était la fin de la précision hyper importante concernant ces nouveaux fonctionnements de l'avertissement pénal probatoire. Et ça mérite vraiment de faire tourner un maximum l'info partout, parce que c'est évident que beaucoup de gens vont se faire avoir. C'est la fin de la lecture pour aujourd'hui, et à très vite !